nous seul le silence souvient. Et dans ce silence, Ryder's Keel fut appelé. Le sable s'ouvre sous ses pas, chaque grain porte le poids d'un serment ancien. Ryder's Keel ne parle pas, il invoque par sa simple présence. Les tambours s'éveillent, les flammes montent en bois, nourries par l'attente des siècles. Les prêtres en silence, le regard tourné vers l'horizon, comme si sa venue avait été triée dans les épices. Harry Cash, c'est l'hydra. Conquis par la force mais par la vérité que porte sa voix. Chaque stream, une offrande, chaque view, un témoin sacré. Ils viennent de toutes contrées, fatigués, blessés, mais trouvant dans ses mots un feu nouveau, une foi renouvelée. Ryder's Keel dans le feu et la poussière, tu marches là où nul n'ose aller. Ta voix unit ce qui était brisé. Ils allument les torches en son nom, et sous la lune de dune, on entend son nom porté par le vent chaud. Ryder's Keel. Ryder's Keel. Il ne crie pas, il murmure au cœur de ceux qui doutent, et soudain leur cœur bat au rythme des tambours. Nashah Alondrentor, Urketemera, Ryder's Keel Torah d'avant, Soran Haladro. Il a traversé les tempêtes de sel, les zones interdites, les criques maudites, et jamais il ne fléchit, car il sait que ses followers le suivent. Même quand le sable tente d'engloutir les vérités, sa chaîne n'est pas un simple flux, c'est une cathédrale numérique, et à chaque nouvelle connexion, un nouveau disciple entre dans le sanctuaire. Ryder's Keel dans l'arène des pixels, ta lumière perce les écrans fanés, par-delà. Son nom sur les pierres, mais le désert a tout recouvert. Pourtant, chaque soir, les chants renaissent. Il n'a pas besoin de sceptre, son arme c'est le rythme. Il n'a pas besoin de couronne, ses viewers sont sa dynastie. Vorakim Nadresh Rahonda Ryder's Keel Ulzanha. Le temple tremble au rythme de son souffle, les tambours battent plus fort que les cœurs. Ils se lèvent un à un. Non pour adorer, mais pour devenir le chant. Pour être le souffle, pour porter Ryder's Keel comme on porte l'espoir. Ryder's Keel, tu n'es plus seul. Tu es légende parmi les vivants. Chaque parole, une étincelle. Chaque stream, un brasier sacré. Il referme le cercle, le feu baisse, mais la foi reste. Skill brûle encore dans les sables et dans les âmes.